Voilà, donc The Industrial Workers of the World, c'est un... Ou bien, ils sont mieux connus comme les Wobblies. En fait, c'est un syndicat, ce n'est pas une organisation politique. Donc ça a été un syndicat depuis le début, et c'est toujours le cas. Et quand on dit syndicat ou syndicaliste, ça veut dire à la fois socialisme et anarchisme. Correct. I'll get back to the anarchist and socialism thing a bit later. We were founded in 1905 in Chicago, of course. Where else? Just to give you a little background, why Chicago? Chicago has a long tradition of anarchism since the 19th century. For those who don't know this, the 1st of May, or May Day, is in fact an anarchist day. On that day, between the 1st of May and the 4th of May, a number of people were killed by the police during a riot organized by anarchists in Chicago called the Haymarket Massacre. And since then, May Day has also been defeated by the celebrated by both the socialist and the communist workers' movement. But in the beginning, and it still is to this day, it's still an anarchist celebration. Donc, on va revenir sur les termes socialisme et anarchisme qui sont à la base du syndicalisme des Wobblies. En tout cas, les Wobblies ont été fondés en 1905 à Chicago. Et si ça se passe à Chicago, ce n'est pas par hasard. En fait, il y a une grande tradition anarchiste à Chicago depuis le 19e siècle. Et notamment, le 1er mai, qui est une date anarchiste, vient de Chicago. Donc, notamment entre le 1er et le 4 mai, c'était quelle année? C'était 1886. Il y a eu un rassemblement ou des manifestations organisées par les anarchistes à Chicago. La police a tué plusieurs personnes. Aujourd'hui, c'est connu comme le massacre du Haymarket. Et entre-temps, cette date du 1er mai a été reprise et par des mouvements ouvriers ou socialistes, communistes, partout dans le monde, mais à la base, et c'est toujours, c'est une date vraiment anarchiste. It's literally a revolutionary May Day. This is why we call it the our collective, the revolutionary collective of May Day. Okay, talking about the philosophy, our major tenets as a trade union. I keep repeating, we are a trade union, we're not a political organization. It's very simple. We start off by the first words you read. We accept all people, regardless of gender, race, creed. By creed, we mean religion, sexual orientation, or personal lifestyle choice. The only people we don't want are the bosses. It's as simple as that. Second point, we want to abolish the wage system. Mm-hmm. Oui, donc, si on peut parler de la philosophie du syndicat, parce qu'il s'agit bien d'un syndicat, pas d'une organisation... C'est l'article premier. Oui. Pas d'une organisation politique. Et donc, notamment, le premier article dans les statuts du syndicat, c'est que toute personne... est bienvenue, n'importe que le genre, l'origine, la tendance, enfin, l'orientation sexuelle, le style de vie. En fait, ce n'est que les patrons qui ne sont pas les bienvenus. Et le but est donc l'abolition du salariat. If you're into la petite histoire, the Wobblies were well known for their bohemian attitude way back then, a century ago, towards sex and towards religion. We all know what that means. And that hasn't changed. So our articles, our statutes are still the same. We haven't changed a word since 1905. Donc rien n'a changé. Pour la petite histoire, les Boblistes ont toujours été connus pour être plus ou moins bohémiens par rapport à la sexualité, la religion. C'est toujours le cas jusqu'à aujourd'hui. Et les différents articles, les statuts, n'ont pas changé d'un iota depuis 1905. We want to abolish. This is a very important. This is the second article. We want to abolish the wage system. Donc ça c'était, en fait c'était le deuxième article, c'est l'abolition du salariat. Okay. This is a personal note. We also don't believe in a work ethic. If you want to work, you work. If you don't want to work, you don't work. But the principal tenet remains no wage system. Then we have, we call ourselves industrial workers of the world because we are an international, oh, sorry, we call ourselves the industrial workers of the world because we are an international institution and trade union. And our goal is to internationalize the system we are supporting as a trade union. That is to say, this is difficult. So we believe in international solidarity between all workers, even though we believe in the autonomy of all people, we reject all borders because they divide workers and people between each other. As I always say, one world, no borders. It's as simple as that. Ouais. Donc effectivement, sur ce qui concerne l'abolition du salariat, donc sur une note personnelle, je ne voulais dire que si on parle de travail, on ne parle pas de ce qu'on pourrait dire une éthique de travail. Le fait le travail comme obligation, le fait qu'on doit travailler ou qu'on peut choisir de travailler ou de ne pas travailler. Ce qui est le plus important, c'est l'abolition du salariat. Donc, ce n'est pas la question de qu'il faut travailler, il ne faut pas travailler, ou les travailleurs en tant que classe isolée, je pense. Non c'est, voilà. Et puis, en ce qui concerne le Industrial Workers of the World, donc c'est une institution internationale, c'est un syndicat internationaliste. Qui veulent internationaliser la solidarité de tous les travailleurs, tout en respectant l'autonomie des personnes ou des différents groupes, et tout en militant pour l'abolition aussi des frontières, donc un monde sans frontières. Because they divide workers, because borders divide workers and people. This is very important. Parce que les frontières divisent les travailleurs et les peuples. Just to put it in perspective, I'd like to mention some of our famous founders. You have Big Bill Haywood. You have Lucy Parsons, the famous Lucy Parsons, born a slave, and who became one of the founders of the Wobblies. Mary Mother Jones, the most dangerous woman in the world at that time. Eugene Debs, John Reed from the movie Reds. Anybody seen the movie Reds? I'll recommend it. Jeff Warren Beatty, Ralph Chaplin, and of course, the rebel girl herself, Elizabeth Gurley Flynn. Et donc j'ai un peu de mal pour vite noter tous les noms. Donc, ils sont là sur son donc John veut mentionner certains fondateurs plutôt connus comme Big Bill Haywood, Lucy Parsons qui est une ex-esclave. Elle est née esclave. Hmm? Born slave. Ah, elle était née comme esclave. Et puis, Mary Mother Jones, la femme la plus dangereuse du monde. Ouais. Qui est-ce qu'on a encore? Eugene Debs. C'était qui, Eugene Debs? Eugene Debs was the founder of the American Socialist Party in the 20s. Il a été aussi le fondateur du Parti Socialiste des États-Unis dans les années 20. Of course, by socialist, we mean revolutionary. Bien sûr. Social democratic. Ouais. Ouais, c'est une tendance importante quand même. Donc, si on dit socialiste, on dit socialiste révolutionnaire et pas social-démocrate. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on a encore? Ralph Chaplin. And the original Rebel Girl, the song written by Joe Hill, he dedicated it to Elizabeth Gurley Flynn. Ah oui, et puis la fille rebelle d'origine, Elizabeth Gurley Flynn, et notamment Joe Hill, qui est le grand, enfin le chanteur connu de Bob Liss, qui a dédicacé une chanson à elle. The most famous Wobbly nowadays is, of course, Noam Chomsky. Voilà, happy birthday once again, Noam. Mm-hmm. 90 years old and still going strong. Et le membre le plus connu, en fait, des Wobbly, c'est Noam Chomsky. Et John lui souhaite un bon 90e anniversaire. To be clear, we publish a paper called The Industrial Worker. You can find it online. We never charge anything for anything. Enfin, j'avais écrit, il y a un nombre de sites internet que je voudrais, qui sont importants. Oui, mais vas-y, tu peux les dire et puis on va les mettre sur notre blog aussi. So the site of the Wobblies itself, the main site is iww.org. All right. And then you have other really good sites. It's goingdown.org, which is an American site. They're not necessarily Wobbly, they're not necessarily IWW, but they're close to the ideals of the movement. Then in England you have libcom.org, libertariancommunism.org. You have working class history, which gives you the sort of explanation what happened that day, or the birth of the death, or an important event in a particular day. And then you have a Wobbly site called the Voices of Labor. Unfortunately, it has a paywall. Unfortunately, what? It has a paywall. A paywall? Yep. Yep. Donc voilà, donc l'organe et le journal de Wobbly, c'est le Industrial Worker, qu'on peut trouver en ligne, gratos comme tout ce qu'ils publient. Donc leur site principal, c'est iww.org. Puis il y a encore un site américain assez important, c'est itsgoingdown.org, qui n'est pas un site officiel de Wobbly, mais qui est très proche. Puis il y a libcom.org, donc les communistes libertaires. Britannique. Oui, c'est la Grande-Bretagne. Et puis il y a Working Class History, un autre site, et puis encore un autre site, Voices of Labour, mais là, apparemment, il faut payer pour avoir accès. Ce qui est un peu bizarre quand même, mais bon. C'est très bizarre. It's really weird. J'avais juste une question. Est-ce qu'il y a aussi des choses écrites en français? Non. Seulement sur Wikipédia. C'est ça que je vois chez Nicole. Donc je vois qu'elle a une page devant elle qui est en français. Oui, c'est sur Wikipédia. Ah, je savais pas qu'il y avait une page en français. Pardon ? Une page en français. Oui. Sur Wikipédia. Wikipédia et une page en français, oui. Avec toute l'historique et tout. Heureusement, parce que... Non, c'était juste important à savoir, parce que ça aussi, c'est une question. Bah, peut-être on va parler après, sur la section ici de Boblies en Belgique et comment ça fonctionne ici. Ouais. Each local Wobbly chapter is autonomous. That is to say, whether you live in New Orleans, in Brussels, or in Hamburg, every local chapter works autonomously. But on occasion, we'd like to focus, as a trade union, as an international trade union, on a similar action, like the couriers, the sex workers, the prisoners, in fact, anybody who asks for our help because the corporate trade unions are not interested in them. Donc, chaque, on dit chapitre, mais disons chaque groupe local est autonome. Si les gens ils sont à, si le groupe il se trouve à New Orleans, à Bruxelles ou à Hambourg, tous les groupes sont autonomes. Ce qui se passe, c'est que de temps en temps, on met un focus, on fait des actions similaires dans plusieurs endroits organisées par les Boblies. Par exemple, sur les courriers style Deliveroo, Uber Eats, ou les travailleurs, travailleuses du sexe, ou les prisonniers. Et en plus, toutes les personnes ou les métiers qui ont demandé un coup de main ou de l'aide. An important new event is people who are members of other anarcho-syndicalist trade unions. The North American regional chapter has decided to join with the International Confederation of Labor. Donc, ce qui est important, enfin, pour les gens qui s'y intéressent dans le syndicalisme de base ou anarchiste ou révolutionnaire, donc le anarcho-syndicaliste. Ok. Par exemple, la fédération du Nord d'Amérique a décidé de rejoindre le ICL, donc International Confederation of Labor. On en a discuté là tout à l'heure un peu parce que je connais pas les détails et John connaît pas les détails non plus, mais ce serait la peine de creuser ça un moment. Il y a eu une scission dans la AIT, donc l'Association internationale des travailleurs, où notamment il y a des syndicats comme la FAO et ça qui ont été exclus, qui ont monté une nouvelle fédération ou association internationale, et je pense que c'est la nouvelle. Je pense que c'est la nouvelle fédération. Well, one of the reasons is we have lots of sister organizations like the Spanish CNT Oficial, which is a sister organization, but we'd like to get all the anarcho-syndicalist movements together into one big organization, if possible. That depends on the local chapters, whether they want to do that or not. The decision has not been made yet in Europe, Asia, or Africa, but it's highly likely they will vote pro. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'organisations sœurs, comme la CNT espagnole, par exemple, il y a vraiment le souhait de réunir toutes les fédérations, tous les groupes anarcho-syndicalistes ensemble dans une grande organisation internationale. Et donc bientôt, les fédérations européennes, asiatiques, africaines vont probablement aussi voter pour rejoindre la Confédération internationale du travail. Well, I've got a couple more things which meant. You can recognize Wobbly site on the internet, for example, by the Sabo cat, which is a black hissing cat. Mm-hmm. Why a cat? Well, it seems that anarchists like cats. For angry one cats. Reason or not. Angry cats. Yeah, hissing cat, really. And we call the cat the sabot cat. Where does it come from? Well, it's like the word wobblies, we have no idea. We have no idea. Joe Hill did design a lot of logos. He was not only a singer-songwriter, but he was also an artist and a painter. Donc, on peut facilement reconnaître, par exemple, le site de Woblis, puisqu'il y a le chat qu'on appelle apparemment en anglais le sabot cat ou le wild cat. Donc, c'est le chat noir. Le chat noir qu'on connaît ici aussi, tu vois, par exemple, la CNT française, etc. Comme le mot Woblis, aujourd'hui, on ne sait plus d'où vient ce chat. Mais par exemple, c'est possible que Joe Hill, donc le chanteur, qui était aussi peintre et artiste, qui a fait plein de logos, c'est possible que c'est lui qui l'a fait, mais on n'est pas sûr. Oui, c'est comme le... it's a... Tu peux dire en français aussi. Well, I prefer... There's a cartoon which came out for several years, which is called Mr. Block. It's a very interesting cartoon. It's a very political cartoon and it's a very anarchist cartoon. I'm just saying this because for people who like cartoons and who like strip. No, bande dessinée. Bande dessinée, oui. Yeah, but in English. Comic strip? No. Exactly. Who like comic strips, Mr. Block is really, really interesting in its design. But it's also the cat. No, it's a bigger cat. No, it's Mr. Block. It's almost an abstract comic. The logo. I'm just saying, it's... I would like to add a couple of, typical Wobbly slogans. One big union. And of course, the sentence which is used by practically anybody, an injury to one is an injury to all. The South African Congress of Trade Unions has a slogan, an injury to one is an injury to all. Despite the fact that it's the South African Communist Party which runs the trade union. And it's the oldest trade union in Africa. And you will find many of our slogans appear here and there, even in Belgium. I think the Belgian Socialist Trade Union recently used it when a couple of delegates were thrown out or kicked out or whatever. It's very simple. You attack one of us, you attack all of us. In essence, it means solidarity forever. Et puis, par exemple, pour les gens qui aiment bien les bandes dessinées, il y a une bande dessinée qui s'appelle Mr. Block, qui est assez anarchiste et politique, qui a existé pendant un moment, qui est une bande dessinée assez abstraite. Et puis, vous voulez fusiller un chanteur. Personne ne peut tuer des chansons. Il n'existe aucun projectile capable d'arrêter Joe Hill. Joe Hill n'a pas voulu trahir, l'État l'a jeté en prison, puis a tenté d'effacer son sourire long. Ses cendres ont vaincu la laideur en se dispersant. Elles ont aidé quelques fleurs à éclore au printemps. Un chant. qu'un projectile capable d'arrêter Joe Hill. Joe Hill. Joe Hill. Joe Hill. Voilà, maintenant je pense qu'on a eu l'introduction. Peut-être il faut dire quelle chanson on vient d'écouter. Parce que tu disais que c'était... Donc ça, c'est la chanson donc, pour Joe Hill, par Fred. Les travailleurs qui sont venus voir les Wobblies, un peu en commun, c'est un travailleur de sexe. Passed a couple of followers around and disappeared in the desert again. So, what we were trying to do had become totally useless. Those poor people are now subcontractors and... I mean, they don't trust anybody anymore, understandably. Ah, OK. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est le Wobblies IWW qui a pris l'initiative de contacter les courriers, donc les travailleurs de Deliveroo, Uber Eats, etc. Il y a eu un rassemblement à Bruxelles. Ce qui a été... fort remarquable, c'était que le PTB était directement sur place, tu vois, notamment quand la télévision qui est arrivée, et quand la télévision est partie, ils sont partis aussi. Et puis un peu plus tard, en fait, il y a le CNE, donc le syndicat chrétien des employés, qui est arrivé aussi, mais qui ont distribué quelques flyers, quelques tracts, qui n'ont pas fait grand-chose non plus. Et du coup, en fait, les gens, les courriers, sont devenus très méfiants par rapport au syndicat. Et il y a très peu de confiance. So if these people now they have no confidence in trade unions or in people who come to see them, how do you react to that? How do you try to? I will have to wait a couple of years. There's no 10 ways about it. We're going to have to wait until a new generation shows up. Right. So we kind of moved in other directions. We have a couple of people who are now busy with the sex workers. Mm. And we've been contacted by the sex workers to see if we can organize something together around safety, et cetera, et cetera, et cetera. And we do have, as Wobblies, we have some experience with working with sex workers. Notably, the chapter in New Orleans. Ouais. Donc, John dit que maintenant que qui dit que les courriers sont devenus assez frileux par rapport au syndicat et que pour l'instant les Wobblies ne savent plus faire grand chose. Il faudra un peu attendre une nouvelle génération. Par contre, ils ont été contactés par les travailleurs du sexe ici à Bruxelles. Pour travailler sur la sécurité et autre chose. Et les Wobblies, notamment, ils ont une certaine expérience là-dessus, surtout avec un syndicat de travailleurs de sexe à Nouvelle-Orléans. Et vous êtes combien maintenant ici, dans les Wobblies, à Bruxelles? Well, they have members and they have sympathizers. Mm. How many? Is it a closely guarded secret? No. Let's put it at 100 members and sympathizers. Mm. Strangely enough, we have quite a lot of sympathizers who are members of the Communist Party. The old Communist Party? No, the PTB. The old Maoist Party, which now calls itself the PTB. Ah, tiens, tiens, tiens. Mais quand vous dites vous travaillez avec les travailleurs de sexe, c'est combien? C'est vraiment des gens qui travaillent là-dessus tous les jours ou c'est ensemble avec eux ou We will be organizing very soon a big meeting between the sex workers already have a sort of trade union, but they don't know how a trade union works. So we will be organizing quite soon with their representatives and representatives from the Wobblies to see what we can do together. Ouais, donc à Bruxelles, il y a disons 100 membres et sympathisants. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a pas mal de membres du PTB qui sont sympathisants. Et en ce qui concerne la démarche par rapport au travailleurs du sexe, il y a déjà des associations ou certains groupes de défense des travailleurs du sexe, mais il y a très peu d'expérience sur comment fonctionne un syndicat. Et donc, bientôt, ils vont se réunir pour discuter de tout ça. Intéressant. This is December, we're kind of winding down. We'll start back up in January. It's as simple as that. We also have to call a general meeting, see what the people want, what the members want, what they want to do. Because, you know, people have different opinions, and some things we can do, there's other things we cannot do. We have resources to do this, but we don't have resources to do that. Mm. We are not a big union, we're just a solidarity union. Mm-hmm. Donc, décembre, c'est un peu calme, mais ça va vraiment recommencer au mois de janvier. Donc, il y aura une assemblée générale pour discuter, parce qu'il y a quand même des opinions différentes. Et en plus, il faut dire qu'au sein des Woblis, il y a certaines compétences, il y a certaines capacités. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas là. Donc, il faudra mettre tout ça sur la table et en discuter. J'ai encore une question historique, je ne sais pas si tu sais répondre à ça. Dernièrement, on a beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. Et je me demande quelle a été la position des Woblis ou l'action des Woblis par rapport à la Première Guerre mondiale. On connaît un peu l'histoire d'Emma Goldman et tout ça et d'autres qui ont mené des campagnes contre la guerre, qui ont essayé d'organiser des travailleurs aussi dans les industries pour faire des grèves. Quel a été le rôle des Woblis là-dedans? Quelle a été leur position? You understand me what I translate? Mm-hmm. Well, it's very similar to the Irish revolutionary, nor king, nor kaiser. The Woblis were against the war, against entering the European war at all costs. There was no way we were going to join the capitalists in their wars. Understandably, the repression was very harsh, especially in Australia, where the Woblis were virtually wiped out, imprisoned. Oui, donc ça a été un peu l'histoire de certains groupements révolutionnaires en Irlande. Donc en tout cas, les Woblis étaient carrément contre l'entrée en guerre de cette guerre européenne, soi-disant, et une guerre qui était surtout la guerre des capitalistes. La répression a été très forte aussi, notamment en Australie, où le mouvement a été éradiqué en fait, par les autorités et beaucoup de Woblis se sont retrouvés en prison. Yeah. This repression would continue after that. And even after the war, the repression became so bad that people, a founder like Big Bill Haywood, fled to the Soviet Union. Okay. Instead of spending 20 years in jail, minimum. And in the United States, we all know 20 years is 20 years. There's no parole. Mais donc la répression a aussi continué après la guerre. Il y a des Woblis bien connus aux États-Unis qui se sont cassés en Union soviétique pour échapper à des peines de prison de 20 ans. Et donc la répression qui était déjà bien en marche pendant la guerre a vraiment continué par après. Historically, it is true that since quite a lot of the Woblis, the leaders of the Woblis were imprisoned, they were given a chance. Either you buckle down and we will release you. If you don't, we'll keep you in jail. Some said, okay, we are prepared to sign an agreement. And others said, no, we will never sign an agreement. Mm. I'm not going to mention names, who or what did what, but that was a big hiccup in the history of our movement. And probably why, there's one thing we should not forget. In 1919, we see the rise of the communist parties all over Europe, in the United States, in Canada. And a lot of our best members would become members of the Communist Party. In fact, Elizabeth Gurley Flynn, at the age of 82, would become a national chairman of the Communist Party. Mm-hmm. Donc, avec cette, donc, durant cette répression, pendant et surtout après la guerre, il faut voir donc il y a un certain nombre de personnes assez importantes dans le mouvement qui ont été devant le choix de soit signer un accord avec les autorités pour dire ben maintenant on se calme, on va se taire, ou bien ils partaient en prison pour de longues peines. Il faut aussi voir que à partir de 1919, il y a une montée importante et générale des partis communistes un peu partout dans le monde. Et souvent, des membres bien connus des Boblis sont à ce moment-là, en fait, rentrés dans les partis communistes. Et ça a été un moment très difficile pour les syndicats. J'avais plutôt une question actuelle. Je sais que tu as aussi des contacts avec Londres, des Boblis à Londres. Yeah, IWW, London. Et yeah. Tu avais dit que... pour l'année prochaine, tu voulais inviter un certain groupe de Londres en Belgique, si j'ai bien compris. No, c'est quoi, I'm going personally to London to talk with the Viscera. Wobblies. Viscera is the regional group of Wobblies, which includes Ireland, Northern Ireland, Scotland, Wales, and England, and Belgium. And my goal is to start the movement, the Extinction Rebellion movement here in Belgium, which is now doing very well in England. Civil disobedience. Mais Viscera, si j'ai bien compris, c'est plutôt artiste. Non, Viscera, c'est Wales, Ireland. Ah oui, ok. Scotland, England. Et maintenant, la Belgique aussi. La Belgique. Je pensais d'avoir vu quelque part, c'était plutôt lié à plutôt culture, à milieu culture, artiste, non? Amazon, le truc d'Amazon. There are different caucuses. There's a caucus which, for example, which is busy with the environment. That is IWW. Environmental Unionist Caucus. And these are the people we would like to talk to, because they started the movement in England. Well, they were one of the people who founded the movement in England, to see if we can transplant it in Belgium. Because the Extinction Rebellion people has already moved to the Netherlands and to Finland and Sweden. Mm. And since we only have about 10 to 12 years to reduce our carbon emissions by half, I think this is a struggle worth fighting. Mm-hmm. Oui, je pense que là, il faut expliquer quelque chose. Donc, il y a Extinction Rebellion. En fait, je pense que c'est une campagne, en fait. No, it's just a movement. It's a movement of people. Ouais. Founded mostly by anarchists and by Wobblies and other organizations, by environment organizations. And the movement in England has really taken shape. It's almost on a daily basis that people demonstrate in front of the Parliament building, Westminster, etc., etc. People get arrested all the time. And the movement is growing into Northern Europe. And as I said before, I would like to transplant it into Belgium. The problem in Belgium is we have green parties. I phoned them up. They were not interested. Mm-hmm. They don't like the radical. Donc le mouvement. Exactly. They are too radical. We are, mm-hmm. or at mm-hmm. least the Extinction Rebellion are too radical. It's not, they don't, it's a question of politics, you see. Everything with the green parties who have been in power at one time or another, somehow the radicalism seemed to disappear after that. They become part of the establishment. And when you talk to them about having a civil disobedient movement like Extinction Rebellion, they don't get it. Mm-hmm. Donc le mouvement Extinction Rebellion, en fait, c'est un mouvement qui utilise la désobéissance civile pour essayer d'avancer sur le problème écologique et le réchauffement climatique. Au Royaume-Uni, c'est devenu assez important et assez vivant, avec des gens qui mènent des actions. Et là, il y a notamment des wobblies, des anarchistes, mais aussi des associations écologistes. Du Royaume-Uni, maintenant, ça commence aussi à prendre un peu dans le nord de l'Europe. Et le but de John, c'est d'amener ce mouvement aussi en Belgique. Mais il dit que le problème, c'est qu'il y a des partis écolos ici en Belgique. Il les a appelés, mais ils ne sont absolument pas intéressés. Ce sont des partis qui ont perdu leur peu de radicalisme qu'ils avaient et qui sont maintenant, qui font partie du paysage politique et ouais, qui ne sont pas du tout intéressés dans les actions de désobéissance civile. Which means it will be very difficult working here in Belgium. Donc ça sera très compliqué ici en Belgique. If they would support us, we could really become a big movement. But I'm not counting on it. It isn't going to happen. Unfortunately, despite the urgency of the problem. But you really need the parties for this? Well, because they call themselves a lot of green movement, parties. Young youth movement now, there's a lot of movement here in the obedience actions here in Brussels for the yes, latest but there's year. There's a dozen of them. There's attack, there is earth strike, there's all sorts of movements which are all doing their own thing in their own place at different times. What we need here in Belgium is let's get everybody together. I mean, the more revolutionary organizations like Attack Bruxelles, Earth Strike, etc. And then start our own civil disobedience movement. We don't have to call ourselves the Extinction Rebellion, but we would love if, but certainly the party activists, the Green Party activists, are the people we're trying to get hold of. Donc, Gwendoline demandait si c'est important d'avoir les partis à bord ou est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'autres groupes en Belgique qui sont actifs sur le sujet, sur l'écologie ou sur le réchauffement climatique. Aussi avec des actions de désobéissance. Des désobéissances civiles, oui, tout à fait. Voilà, mais John trouve que tous ces mouvements, ils sont occupés avec leurs propres actions. Et le but serait d'avoir un mouvement beaucoup plus large qui regroupe les mouvements ou les personnes plutôt radicales ou révolutionnaires dans une démarche de désobéissance pour le climat ou pour l'écologie. Une petite musique ? Oui. En fait, je n'ai pas trouvé la version qu'en concert, mais j'ai un peu peur que ça ne soit pas très audible. Ouais. Donc j'ai ici trouvé cette chanson de Joe Hill sur un album qui s'appelle Les chansons des Wobbies. Donc, non, c'est en anglais. Ça. Mais c'est un album en fait qu'ils ont fait. Mais pas Billy. Billy Bragg. Would you have freedom from wage slavery? Then join in the grand industrial band. Would you from misery and hunger be free? Then come do your share like a man. There is power in the band of working men. When they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land. One industrial union grand. have mansions of gold in the sky and live in a shack away in the back. Would you have wings up in heaven to fly and starve here with rags on your back? There is power in the band of working men when they stand hand in hand, hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. If you've had enough of the blood of the land, then join in the grand industrial band. If for a change you would have eggs and ham, then come do your share like a man. There is power in a band of working men when they stand hand in hand, hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. If you lack sluggers to beat off your head, then don't organize, all unions despise. If you want nothing before you are dead, shake hands with your boss and look wise. There is power in a band of working men when they stand hand in hand, hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. Come all ye workers from every land, come join in the grand industrial band. Then we our share of this earth shall demand, come on, do your share like a man. For there is power in a band of working men when they stand hand in hand, hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. One industrial union grand. Oui, j'avais juste encore une question sur... Parce que ça fait pas si longtemps, j'entends qu'il y a le Woblis en Belgique. Et je me demandais, c'est quand exactement que vous êtes commencé? Et si vous dites Belgique, est-ce que tout se passe ici à Bruxelles? Ou est-ce qu'il y a d'autres régions, d'autres actions, d'autres groupes? Yeah, what's the question? Sorry about that. I can maybe... We have a little problem in Belgium. I think we've had it for 450 years. Language problem. Mm-hmm. Dutch people don't necessarily speak French. The French people don't necessarily speak Dutch. So we use English as a common language. But that is for some people a problem too. It makes communication slightly more difficult and complicated. But as a sort of, let's say for the moment we use English as a common language. Also because we are part of the Visegrad group, which is the British Isles, and it's easy to communicate with all the other chapters in the world. Mm-hmm. Donc, ici en Belgique, en fait, le grand problème, c'est la langue, puisqu'il y a des gens de deux côtés de la frontière linguistique. Et pour l'instant, comme langue commune, on utilise l'anglais. Aussi, puisque la section belge fait partie du Visegrad, donc qui est à la base la fédération des groupes dans les îles britanniques. Et aussi qu'internationalement, la langue des Woblis, c'est l'anglais. Also because it's you know, the common language in the world now. You know, everybody, a Chinese person will talk to an American person in English, not in Chinese. It's a fact of life. And maybe it's a good thing, I don't know. But it's a common language. Yeah, but the problem is that if you... For example, in the French-speaking part of Belgium, I can imagine that many people who could be interested in this don't speak English. That's not a problem. That's part of the problem. Mm-hmm. Ouais, donc je disais que un des problèmes, c'est que surtout du côté francophone de la Belgique, il y a certainement des gens qui sont intéressés, pas le Boblis, mais qui ne maîtrise pas l'anglais. Ouais. Donc voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de Boblis qui parle français et l'anglais qui peut faire le lien ou qui peut organiser d'autres rassemblements, assemblées autre part ou... Allez. Vous avez discuté de tout ça. You talk about me. Ouais. Non. Oui, mais l'autre personne que j'ai rencontrée, votre collègue là à Liège, elle parle français, non? Yes, she understands English enough to read it and, you know, to make herself understood. But it is a problem. It's a unique problem. You don't have that problem in any other country, except perhaps in Switzerland. But mm-hmm. there are no obligations in Switzerland, probably because there are four languages. but somehow we will have to overcome, and that's why we need to get all our heads together for a big meeting and start discussing these things one by one. And now it's more Dutch side then that you contact have? It's more in the Dutch part? Of it's half and half. It's half and half. It's half and half. Oh. Yeah, like I said, it's mostly people from the PVDA who are interested in us than the people from the PTB. For one reason or another. For another. Bien, c'est intéressant. Donc en Belgique, en fait, il y a des gens qui sont intéressés plutôt des deux côtés de la frontière linguistique. Et ce qui est intéressant, c'est notamment que il y a pas mal de gens du PTB néerlandophone, donc le PVDA, qui sont intéressés plutôt que du côté francophone, le PTB francophone. I suspect because the French-speaking side was always a strong communist party, whereas in Flanders, the communist party was a very marginal organization. You're talking about the traditional communist party. Yes, the traditional communist party. Oui, parce que qu'est-ce que cherche PVDA dans un mouvement anarchiste? Je comprends pas. Well, it's I don't know. It's personally, I think it's tempting. It's different. It's not necessarily, you know, the newspeak of the communist. You know, repeating the same lines over and over again. Everybody has to think the same way. I remember when I was going out with a woman from the PTB, they actually came to my house to check me out. I'm not kidding. And that's just about 10 years ago. So there's, it's a sense of liberty that they know we are anarchists at heart. We have a socialist tenet because we want to organize. We need to organize society economically before we. Marx had some pretty good ideas when it comes to organizing the economy, but that's about all. Yeah, all the rest he can keep. Mm. Ouais, c'est assez intéressant, dans le sens que, déjà que du côté surtout néerlandophone, qu'il y a des gens du PTB qui sont intéressés, et notamment ils ont été chez lui à la maison pour bien comprendre qui John est, pour prendre la mesure. Mais j'ai une question, est-ce que tu es conscient du fait d'avoir une connexion forte ou moins forte par rapport au PTB, va très vite couper les ponts avec beaucoup de groupes anarchistes ou anarcho-syndicalistes en Belgique. So, are you aware that I'm like strong links or more or less strong links with the PTB in Belgium will immediately burn bridges with more anarchist or anarcho-syndicalist people or groups in Belgium? My personal feeling is they know we are anarchists, but they don't associate us with, let's say, Antifa or with the libertarian alternative or that sort of thing. You know, those are supposed to be extremists. All these are more moderate. They seem more moderate as a trade union. What the Wobblies do in their private life is their own business. Hmm? Donc, apparemment, les Wobblies sont vus par certains marxistes comme un mouvement plus modéré que des mouvements comme les Antifa ou autres. Et donc, du coup, c'est, apparemment, c'est plus potable ou plus intéressant. It's also because we are a trade union. Often it's as simple as that. And many people, even amongst the communists, know that's a big problem with the corporate unions. They won't say it, but the problem is there. Donc, en plus, ils pensent que c'est assez intéressant pour les marxistes, puisque les Wobblies sont un syndicat, et que malgré le fait qu'ils ne vont pas forcément le dire ouvertement, qu'ils se réalisent vraiment qu'il y a de grands problèmes avec les syndicats traditionnels ou corporatistes. Mais comment réagit le Wobblies au niveau international s'il y a beaucoup de marxistes communistes qui rentrent dans le mouvement? Est-ce qu'il y a... Well, it goes both ways, but in many ways, Belgium is kind of unique, not only because of the language problem, but also because there's a communist party which has a certain amount of success, which does not exist in the United States, Canada, or Ireland, or the UK, or Australia, or anywhere else. So you have the problem, you have people who like the idea of an anarchist trade union, but more as an... It's very hard to explain. I mean, I've got lots of them following me on Facebook. They're not 100% happy with what the communists are saying. In the sense that it's too rigid. Stalinist. Well, you know, no. Stalinist, if you why not say it. I used Mada in the good old days. But I've noticed that the sons and daughters, it's become real nepotism. I mean, Sophie Merck is the daughter of Chris Merck, and they have the whole Pestio families, and I mean, it's really, it's a couple of families who run the whole party, yeah? It's fighting me, this kind of... Donc, John dit que la situation en Belgique, c'est assez unique, notamment à cause du fait qu'il y a un parti communiste relativement important, hein, donc le PTB, l'idée d'un syndicat anarchiste peut plaire à certains membres du PTB qui sont, le dire à haute voix, mais qui sont parfois un peu frileux, qui ont du mal avec le côté trop rigide à la fois. Et puis aussi le fait que le parti est pour une partie importante dans les coulisses dirigée par quelques familles, en fait. On voit quelques dynasties de certaines familles à l'intérieur du PTB qui gèrent ça ouvertement, au moins ouvertement. Exactement, yeah. Moi, excuse-moi, tu as parlé là tantôt de différence avec le Nord et le Sud à cause des langues et tout. Et au Canada, comment ça se passe alors? Au Canada, in Canada, you have the IW or the Wobblies in Quebec, and you have the Wobblies in Toronto. And there are two different chapters. It's as simple as that. You have the English-speaking people who are in part of the Toronto Wobblies and the French-speaking in the Quebec Wobblies. But it doesn't make that much of a difference since they're all part of the same region. But I will admit this, the French-speaking, the Quebecois, are much more militant and activist than the English-speaking. In Quebec, there always has been an anarchist tendency. You know, below the surface. If you go to Montreal, if you go to Quebec, there's a whole different scene than what you will find in Toronto or Vancouver. Donc, puisqu'on tout à l'heure on discutait de problèmes linguistiques par rapport au nord du sud de la Belgique. Bon, ben non, bien sûr, Serge pose la question en français, je ne vais pas la répéter. Mais effectivement, en Canada, il y a deux chapitres. Hein, donc, il y a le côté francophone au Québec. Puis à Toronto et ailleurs, il y a le côté anglophone, qui sont donc des organisations ou des regroupements différents, mais qui sont tous quand même dans la même région, dans la même confédération. Autonome, mais par la région. Oui. Autonome, mais pas. Et par de la région. Oui. Ils font partie de la région nord-américaine. Oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Il faut dire que du côté francophone, du côté du Québec, c'est plus militant parce qu'en Québec, il y a une tendance anarchiste, un certain sous-courant anarchiste qui reste très important. Donc ça donne une autre dynamique par rapport au côté anglophone du Canada. C'est peut-être, it could be, you know, the English-speaking Canadians tend to be Protestant, the Québécois tend to be Catholic. I don't know if that's a reason, but there's something in it, you know. With the Protestants, you have this work ethic, right? You have to work hard, like in the United States. Well, in Québec, they're Catholics, you know. It's like Belgium. Yeah, well, it is like Belgium, France. Right. Donc, Johnny se demande s'il n'y a pas le côté culturel, enfin, ou catholique du côté Québec et protestant du côté anglophone, ou qui joue quelque part, puisque il y a une éthique du travail très forte dans du côté, enfin, culturellement, pas forcément chez des croyants, mais aussi culturellement, qui est très important du côté anglophone, du fait qu'il faut travailler, etc., etc., et que c'est beaucoup moins fort du côté francophone, qui est plutôt catholique culturellement. You know, Catholics prefer that people pray instead of work. You know, while Protestants, you pray a lot and you work a lot. Qu'est-ce qu'il a dit? You know. Il dit que chez les francophones, c'est plus important de prier plutôt que de travailler. There are some counter-examples of that. You know, if you go to the Benedictine abbeys, there is this ora et labora. Pray and work. Sometimes it's both in the Catholic side. But anyway. But it was a Protestant preacher who I always... Everywhere I used to sign my every letter, every email I did with. It was a German Protestant preacher who said these words: "Omnia sunt communia." Everything belongs to everyone. Ah, mais apparemment, il dit, John, il sous-signe des emails ou des lettres avec une citation allemande protestante. Omnia sunt communia, donc prédicant. Un prédicant, oui, qui vient d'un prédicateur protestant, donc omnia sunt communia, donc tout appartient à tout le monde. Which is basically what the Wobblies are all about. Et ça, en fait, c'est la base de la philosophie des Wobblies. That's our goal, our ultimate goal. And preferably no Soviets. Thank you very much. Because we know what happened to the anarchists at Kronstadt, etc. We want direct democracy. Like we want direct action, we also want direct democracy. So you're against council communism? Exactly. Ah, that's interesting to know. Donc, en plus... Les Wobblies sont leur moyen d'action, c'est l'action directe, mais aussi ils sont pour la démocratie directe et donc pas pour les soviets et donc pas pour les conseils, non, parce que le communisme des conseils, c'est quand même quelque chose de particulier, et notamment maintenant avec le 100e anniversaire de l'insurrection ou de la révolution en Allemagne, hein, où les spartakistes étaient tout à fait des communistes conseillistes, disons, je ne sais pas comment dire, qui étaient pour les conseils des soldats ou d'ouvriers. Donc ça, ce n'est pas le but des Wobblies. Pour les Wobblies, le système démocratique, de démocratie directe, plutôt que le communisme des conseils. Est-ce qu'il y a des Sur un niveau On a global level. Sur un niveau mondial. Est-ce qu'il y a des wobblies dans tout le dans tous les pays du monde? Non. It's a question of tradition. Traditionally, it's been Anglo-Saxon countries. But let's say in the early 20th century, you know, they weren't computed around. People could travel much easier from country to country with a fake or non-passport, which means that some wobblies who went to the United States from India went back to India and actually started, kick-started the freedom movement in India. But you know, download the PDF from libcom.org, sorry, and it's all there. Donc traditionnellement les wobblies, enfin comme Nicole demandait, est-ce qu'ils sont dans tous les pays? Traditionnellement, c'est plutôt dans les pays anglo-saxons, quoique par exemple au début du XXe siècle, c'était en fait c'était plus facile de voyager, de passer les frontières. Et donc, par exemple, des gens qui venaient de l'Inde sont arrivés aux États-Unis, ont rencontré le Boblis, ou ont fait partie du Boblis, et qui, parfois ils sont revenus dans leur pays avec ce bagage syndicaliste et qui ont été à la base du mouvement de libération anticolonialiste, disons, de l'Inde. Bah, il a dit, pour tout ce, pour savoir plus sur ça, il y a tout sur le site ou un document. Oui, on a déjà. Oui. Ouais. Donc il y a le livre notamment Wobblies of the World qu'on peut télécharger en PDF de libcom.org qui raconte toutes ces histoires. Mm-hmm. Certainly, it was well received by such publications as The Nation, which is a very old American left-wing newspaper. Katrine van den Heuvel is editor-in-chief. Her grandfather was Belgian. Jacobin, Occupy Wall Street, Two Fault, Common Dreams, that sort of thing. They all found it. Everybody was completely blown over by it. Mm. Ouais, donc le livre a eu beaucoup de succès. On en a parlé dans The Nation, qui est un ancien journal. It was a critical success. Oui. Critical success, donc ça a eu beaucoup de succès dans le récent, oui, le recensus. Donc on a écrit des comment on dit ça, quand on écrit quelque chose sur un livre dans un journal. Une critique. Une critique, voilà. Donc les critiques dans The Nation, par exemple, ou The Jacobin, qui est un journal de gauche très connu. Et bien qu'il y en a beaucoup qui l'appellent Girondin, mais... Girondin. Oui, il faut dire que oui, c'est notre discussion. Le Jacobin, est-ce que Jacobin en français ou en anglais, ce sont des choses fort différentes. Le problème avec la publication qui s'appelle Jacobin, c'est que parfois ils ont vraiment l'air d'être Girondin. Mais il y a de temps en temps, où est-ce qu'ils vont là, hein? Ouais, mais en fait, ça vient de l'époque de la Révolution française, où il y avait la propagande en Angleterre contre la Révolution française, et avec ils ont accueilli tous les réfugiés nobles en fait de la France, et du coup le mot Jacobin a été interprété de manière très différente au United Kingdom, enfin au Royaume-Uni, que la vraie signification en France, tu vois, de l'État hyper centraliste En Angleterre, ça veut plutôt dire gauche radicale. Oui, c'est ça. Ouais. Disons dans le monde anglo-saxon. Oui, mais un Emmanuel Valls en France, on peut le coller l'étiquette de Jacobin dessus, tu vois. Mais il ne faut pas l'accuser d'être extrémiste de gauche. un enragé, il n'est certainement pas. Voilà. Simplement poser une question par rapport à la Belgique. Est-ce que tu ne penses pas qu'un des problèmes à la Belgique, c'est que ils n'ont pas une culture révolutionnaire, mais une culture de consensus. Est-ce que ce n'est pas un problème, notamment pour un syndicat comme ça? C'est un problème. It is a problem because in many countries there's always been a fight between the trade unions and the authorities. Other countries don't have this, as you say, this consensus system where you have, you know, where all sides get together in a big conference and then decide what they're going to do to the trade unions and the bosses and the government. That is almost unique in Belgium. It doesn't exist in many other countries. And that's probably why, because why the Wobblies tend to do better in countries where trade unions are in constant conflict with the authorities or with the powers that be. Where they are in conflict? In conflict. Uh-huh. So it is not that when in a country where there is a more consensual, where the trade unions go more into consultation and with the authorities or with the bosses, you would think it would be easier to distinguish yourself as a trade union because you have a different point of view. Well, that is what the trade unions, let's say in the United States, the AFL, CIO, fusion of the American Federation of Labor and a Congress of Industrial Organizations, which was more to the left, they're together now, they're trying to introduce the same consensus model, but it's not working. Mm-hmm. In fact, in the United States, Congress is trying to do everything to destroy the trade unions. The result is that membership is going up from one reason or another. Ah, c'est assez particulier. Donc, effectivement, en Belgique, c'est un des pays où il y a ce modèle consensuel. Toi, un des seuls pays, apparemment. Un des seuls pays. Mm-hmm. Un des seuls, oui, mais il y a aussi... FNV aux Pays-Bas ou tu vois, AG en Allemagne. Mais moi, je me demandais en fait notamment si dans les pays où il y a un modèle plus consensuel en fait par rapport au syndicalisme, est-ce que c'est pas plus facile de se distinguer en fait par rapport à ça pour lancer un syndicat plus radical ou plutôt lutte de classe? Mais apparemment, c'est pas forcément le cas. Parfois, c'est, en fait, là où il y a une tradition plus conflictuelle, c'est apparemment plus facile de lancer un syndicat comme les Wobblies que plutôt dans un pays où un modèle consensuel est la tradition. Well, I can give you one little example of how things work sometimes. When there were the primaries in 2016, Democratic Party primaries between Bernie Sanders and Hillary Clinton, the union bosses who asked their members who they wanted to support, it was always Bernie. But when the union bosses decided for themselves, it was always Clinton. Aha. So you have this schizophrenia between the trade unions too. The more militant, more activist, we don't say militant in English, activist trade unions tend to ask their members first before they take a decision. Plus, the American Federation of Teachers, for example, gave $500,000 to the Clinton campaign without asking their members. And I could hear the shouts all the way from the states, from their members, you know, what the F? Huh? Mm-hmm. Fuck. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Exactly. Mm-hmm. Donc, John veut donner l'exemple des primaries des démocrates aux États-Unis. Primaries, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce sont les élections à l'intérieur, par exemple, des démocrates ou des républicains, où est décidé dans une certaine circonscription électorale qui sera le candidat pour une présidentielle ou gouvernement ou le Congrès ou comme sénateur ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire que donc il y a dans une certaine circonscription un ou une candidate unique. Et avant ça, il y a une préélection par rapport aux membres, par exemple, des démocrates qui devront voter qui sera notre candidat. Et donc en 2016, donc avant les élections présidentielles, donc les démocrates devaient décider qui serait leur candidat. Et donc c'était entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que les syndicats qui sont plutôt consensuels ou moins démocratiques, disons, avaient plutôt la tendance de soutenir Hillary Clinton dans ses préélections. Et puis il y avait les syndicats plutôt démocratiques ou plus radicaux, où on écoute plutôt les membres qui étaient pour la candidature de Bernie Sanders. Et donc on peut voir entre les différents syndicats, le niveau de radicalisme, parfois ça va ensemble avec le niveau de démocratie et l'impact des membres pour aller pour voir quel candidat plus ou moins controversiel sera élu dans une pré-élection. C'est un peu compliqué aux États-Unis. It's very difficult because in the end, it's a two-party system. Nothing will change the two-party system. Donc à la fin, c'est un parti, c'est un système de deux partis. Right. Et aux États-Unis, c'est bloqué là-dessus. À la fin de l'émission, je pense, mais tu voulais te donner encore des contacts, mais aussi j'avais une question sur les formations, parce qu'on a pu suivre une fois une formation à FAU à Berlin, mais je pense qu'ils ont aussi été à Amsterdam, non? Oui, tout à fait. Mais ça date déjà, ça date déjà, je sais pas si c'est 5-6 ans, non? Je sais pas. Et voilà, et c'était super intéressant pour vraiment savoir comment s'organiser soi-même dans son lieu de travail. Et je me demandais, est-ce qu'il y a encore des formations comme ça qui vont avoir lieu, ou est-ce que, où trouver les contacts? That's one of the things we will have to talk about. I mean, there's enough literature from the Wobblies about organizing, about civil disobedience, direct action, etc. You know, this it's easier said than done. It takes time. You have to. People have to know what it's about, what our goals are. They have to agree. There has to be a certain amount. There has to be a consensus. What we are going to do. So that's why we need to have one big meeting and have the noses more or less pointed in the same direction, or ask them, you know, what do you want us to do? Mm-hmm. What you know, people have different opinions, and we can talk about that. And you know, people can talk a hell of a long time about what they want to do. Everybody has his opinion. But you know, that's the way the things work, and that's not a problem. Mm-hmm. So if we want trainings, we have to be member and go to the meeting and ask. No, you don't have to be member. Everybody's welcome on the meeting. Everybody's welcome. Donc en fait, c'est une des choses, donc la question des formations, une des choses qu'on peut discuter à l'Assemblée générale qui sera organisée bientôt. Donc il y a suffisamment de littérature sur l'action directe, sur comment s'organiser, qui a été faite par les Woblis. Mais pour l'organiser, c'est plus facile de le dire que de le faire. Donc il faudra voir à cette assemblée quel sera le consensus sur comment avancer et si, par exemple, il faudrait organiser ce genre de formation. Mais on ne doit pas être membre pour aller... Ah oui, c'est ça aussi. Donc il ne faut pas forcément, pour aller à l'assemblée générale, il ne faut pas forcément être membre. Donc c'est ouvert aux sympathisants, aux gens intéressés. You can participate with any action, with any, without being a member. Mm-hmm. I mean, you can contribute something. You know, we need the money. But, you know, you're free to do whatever you want. We don't force people to become members. We don't force them even to pay their dues. Because we understand sometimes... You know, it's not that much money, but for some people, it's quite a sum at the end of the year. Huh? Mm. No. We're very relaxed in that. Let's say we're not going to go knock at your door, tell you owe us some money, but let's have it now. No, yeah. Donc, la question d'être membre ou pas, c'est pas tellement important. Donc tout le monde peut participer ou organiser les choses ou d'une manière ou l'autre. En plus, ils ont besoin de l'argent, donc c'est intéressant d'avoir des membres qui cotisent. Mais c'est pas des sommes énormes, pour certaines personnes ça peut poser problème, mais en tout cas tout le monde peut participer et on ne va pas toquer à la porte des gens pour réclamer leur cotisation. Je connais d'autres endroits. What does happen occasionally is that Chicago headquarters in Chicago asks, for example, when Woblis are being arrested or in one of other area in the world, that the chapters would they like to contribute something or another, mm-hmm, to help those problems. This happened with the J50 when during the inauguration of Trump there was some rioting in Washington. 52 people were arrested, including a couple of Woblis. So we asked all the Woblis chapters in the world if they would help, you know, to finance a common fund so we could be for good lawyers. Fortunately, the cops made such a mess of it, they lied so much, that the district attorney said, I'm dropping all the charges. Mm-hmm. So, you know. Donc, les cotisations, c'est quand même important. Par exemple, quand il y a des arrestations ou des gens qui ont des procès, qu'il y a, il y aura un appel de la part de la Fédération internationale des Woblis qui va demander aux différents chapitres de contribuer des fonds pour la défense des personnes concernées. Par exemple, quand il y a eu l'inauguration, enfin, quand Trump a été installé, à Washington, il y a eu des émeutes. Enfin, il y a eu 52 personnes qui ont été arrêtées. Il y avait des Woblis qui étaient là-dedans. Et à ce moment-là, il y a eu un appel pour des contributions venant de différents groupes de Woblis partout dans le monde. Heureusement, ça n'a pas vraiment été nécessaire, puisque La police avait tellement menti, elle avait tellement foutu la merde que le juge avait directement laissé tomber toutes les charges. Et comment les gens peuvent contacter vous ici en Belgique? For the moment, I'll make it easy on everybody. You can contact me via my email address, which is John Melsons. In one word? One word, gmail.com. John Melsons, gmail.com, in one word. Or the telephone number 0468 11 44 30. If they contact me and necessary, I will refer them to other people, if depending on the situation. But for the moment, I'm taking all the calls and all the... And then I will pass them on to our delegate who will then... Ouais, donc pour les gens qui sont intéressés en Belgique, le plus facile pour l'instant, c'est de prendre contact avec John. Donc John Melsons en un mot @gmail.com. On va mettre ça sur notre blog aussi, ou bien par son numéro de téléphone, le 0468 11 44 30. Donc le 0468 11 44 30. On va mettre ça sur notre blog aussi. Et puis, si besoin, il va... Facebook. Hein, Facebook. Malheureusement, Melsons Jan. Facebook, Melsons Jan. Et voilà. Donc, et s'il le faut, il va mettre en contact les personnes avec d'autres, s'il le faut, les personnes compétentes pour certaines questions. Voilà, et tout ça, on va mettre sur notre... sur le blog de Tranche d'Anard. Tranchedanard.noblogs.org. Voilà. No blocks. Ouais, voilà. Ouais, c'est un fournisseur italien anarchiste. Ah bon? Ouais. Ok. On peut encore faire l'agenda. Oui, il faut faire l'agenda parce qu'il est un peu long. Il y a pas mal de choses. Merci. You're welcome. Glad to be here. Merci d'être venu nous expliquer un peu tout ce syndicat, enfin tout ce qui se passe là. Peut-être une autre fois. I certainly hope so. Oui, on peut quand tu veux. Voilà. La porte est toujours ouverte chez les anarchistes. And I would like to finish with my favorite words: omnia sunt communia. Everything belongs to everybody. Aussi la radio, voilà. Yeah. Ok, on fait l'agenda tout de suite ou on fait une musique entre les deux? Comment vous voulez? Peut-être une musique comme une ça. Musique, musique entre les deux? Allez, on y va alors. Le travailleur ne se produit pas lui-même. Il produit une puissance indépendante. Le succès de cette production, son abondance, revient vers le producteur comme abondance de la dépossession. Le travailleur ne se produit pas lui-même. Thank you. allons nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe. La police rafle sans distinction. La